flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir 4 heures. Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Vous êtes une single, vous? Ah oui, à mes soeurs, oui. Bien. Eh ben, vous me comprenez, alors. Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. J'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. C'est la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne manque pas. Vous courez sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bon, merci. Sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais?